ma cour des miracles, ouais. C'est ce qu'amène dans la coursive qui récoupe, bois, bédave, mais des taquets dans les gencives. J'avais oublié ça, péril jeune, viré, foncé à jeun. Faucheuse rodée, bien sapé contre ce mur au mois de juin. Et j'en suis là, vis chaque jour en kaki, beige de glace. Mec, mes bouts de cristal sont de simples boules de neige. Gratte mes pages, j'y constate, loin d'être économe. Une fausse nom, téléchant des matraques, fais office de métronome. Ville pollue dans les poumons que les cerveaux. Ils veulent un passe pour l'histoire, mais les menottes les serrent trop. Dehors comme dedans, on s'afflige. Angoisse, mille visages, conjugue au réel dans une taille éclatée le long du rivage. Lui et son pote au ballon était comme frangin. Crème de la crise dans la même lessive, c'est la tâche de Zanin. Un voisin stu au vin de l'on riff, lui à la ya du riff. Vois mon caf, pas de ses mots, mais au vin de l'on riff. C'est la cour des miracles, les mecs attendent le mirage. Le flic des émirats, et prennent le mauvais virage. Tous perdent au tirage, le mal impose son image. La tête dans le cirage, la rage sur les visages. C'est la cour des miracles, les mecs attendent le mirage. Le flic des émirats, et prennent le mauvais virage. Tous perdent au tirage, le mal impose son image. C'est cash qu'on rate, c'est la cour des miracles. Une ronde de nuit dans la cour des miracles. Au coin d'une rue, je crois ces petits qui rappent sale. Sur un smartphone comme nous à l'époque, sur un vieux poste. Et y'a ce type qui, comme d'habitude, cause tout seul. Voilà la cour des miracles, entre pipe et pipo. Sous les dettes seules, alors qu'il y a toujours tous people tout autour. Écoute, un couteau tourne entre deux côtes. Parce qu'il n'y a pas que des miracles dans cette cour, regarde poteau. Y'a ceux qui la jouent street et ceux qui vont y dormir cette nuit. Au milieu des gremlins qui t'attaquent à 7-8. C'est la loi du plus fort, ouais, la loi du plus fort. Tu peux vite toucher le fond si t'oublies d'être le plus fou. En fait, dans cet arc de Noé, rien ne se maîtrise. Que des mecs seuls et tristes qui esquivent les traîtrises. Dans la cour des mirages, le miracle, on l'attend. Tout en payant cash les erreurs de nos 20 ans. Chez nous, c'est la cour des miracles. Les mecs attendent le mirage. Le flic des émirats et prennent le mauvais virage. Tous perdants au tirage. Le mal impose son image. La tête dans le cirage. La rage sur les visages. C'est la cour des miracles. Les mecs attendent le mirage. Le flic des émirats et prennent le mauvais virage. Tous perdants au tirage. Le mal impose son image. C'est cash qu'on rate. C'est la cour des miracles. C'est la cour des miracles, des miracles, des miracles. Moi ce qui me dérange, gars, c'est que rien ne change. Toujours ces SDF qui ne mangent pas dans la grande gare étrange, gars. Les esprits flanchent, car le monde part en couille et n'avance pas. Le diable danse là, prend l'âme de ceux qui pensent mal et veulent bien faire. Trop de mecs perdus qui jouent les têtes dures. Merde et perdus, vendrait père et mère pour un peu de verdure. D'air pur, les putes à sucer se font des gerçures. Les big rappeurs du coin évitent les flics qui ont le flair sur les frères, s'usent les choses à tenir les murs et arpenter les rues. À la recherche d'un peu d'espèce et d'espace, laisse faire les lèches-fesses et laisse place au commerce et toute leur mère passe. Je te parle de mecs blasés qui jouent l'avenir au jeu de hasard. Notre part au charbon, les flics au falsard, quel bazar. Dans ma cour des miracles, c'est pas ça, on y vit bien, mène nos vies et basta. C'est la cour des miracles, les mecs attendent le mirage. Le flic des émirats et prennent le mauvais virage. Tous perdants au tirage, le mal impose son image. La tête dans le cirage, la rage sur les visages, c'est la cour des miracles. Les mecs attendent le mirage, le flic des émirats et prennent le mauvais virage. Tous perdants au tirage, le mal impose son image. C'est cash qu'on rate, c'est la cour des miracles. On y croise des boîtes millionnaires. Dans la cour des miracles, des rages tributaires. De nos coups de cirage, des copes utilitaires. N'attendent plus le miracle, mais peu de coffres à se refaire. Puisqu'ici c'est l'Irak. Et sous la verse de ses litres, y'a celui qui délira. Ou sous la messe de ses pitres, celui qui sévira. Ce kid, ce king, celui qui crédita le discrédita. Sur ce vice délicat, celui qui discréluta. Et te retrouve vite très plus tard dans la cour des gueudins. Là tout près du mitard, à deux doigts du butin. Au royaume des couches tard, Rix écoute là, écoute là. La mélodie d'écoute là, d'écoute là. Et sous le gras, ça sous le garde de Courpa, sous le vache de Préga. Dans la cour des mi-homira, ça t'était comme Mira. Et paracoute héritera de ce qu'elle te laisse ou pas. Il se peut que t'y restes. Chez nous c'est la cour des miracles, les mecs attendent le mirage. Le flic des émirats et prennent le mauvais virage. Tous perdants au tirage, le mal impose son image. La tête dans le cirage, la rage sur les visages. C'est la cour des miracles, les mecs attendent le mirage. Le flic des émirats et prennent le mauvais virage. Tous perdants au tirage, le mal impose son image. C'est cash qu'on rate, c'est la cour des miracles. C'est la cour des miracles. C'est la cour des miracles. C'est la cour des miracles. C'est la cour des miracles. C'est la cour des miracles.